Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui la veste, premier épisode, les primaires, la revanche du collaborateur. Une émission proposée par Christophe Barrère, écrite par François Perrache, réalisée par Cédric Ossi. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles de la fiction, nous vous racontons une histoire écrite à partir de différents faits réels, un feuilleton découpé en 4 épisodes, une première dans Affaires sensibles. Nous allons ensemble parcourir à nouveau cette année d'élection présidentielle 2017 en suivant l'épopée de François Fillon et d'un scrutin qu'il ne pouvait pas perdre jusqu'à l'affaire du Penelope Gate. Cette élection et le séisme politique qu'elle a provoqué dans les partis traditionnels, nous allons la suivre de l'intérieur, à travers un groupe de parlementaires élus au permanent des Républicains. Le parti a mandaté une agence de conseil en communication pour animer des groupes de parole permettant de surmonter le traumatisme de la défaite de François Fillon. Dans ce premier épisode consacré aux primaires, nous allons entendre ces militants élus ou permanents dans un centre de séminaire aux confins de l'Île-de-France, un de ces groupes donc animé par Éléonore et son assistant Enguerrand. Dans ce séminaire, tous discutent de la période qui va de la candidature de François Fillon à la primaire jusqu'à sa victoire dans cette même primaire le 27 novembre 2016. Les stagiaires tentent de répondre à différentes questions. Par exemple, comment François Fillon est-il passé de 6% d'intention de vote en 2015 pour gagner la primaire un an plus tard? Pourquoi Nicolas Sarkozy a-t-il été éliminé? Comment Bruno Le Maire est passé de la position de troisième homme à une cinquième position au primaire avec seulement 2% des votes? Mais leurs réponses sont très différentes, parfois opposées. Il est vrai qu'entre les centristes, les constructifs et sens commun, les sentiments et les avis sur ces moments de la campagne sont très différents et même très éloignés. Pour nous accompagner et nous éclairer dans ce voyage, dans un passé récent, nous recevrons en seconde partie, après la fiction, Thomas Legrand, journaliste, éditorialiste politique à France Inter, qui pendant toute la durée de ces élections, bien sûr, a analysé, à travers ses chroniques matinales, les soubresauts de cette campagne unique. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. La veste, un feuilleton de François Fillon, François Perrache. Réalisation, Cédric Ossir. Pour les archives, j'ai fait comme on a dit, j'ai sélectionné que les extraits de TF1, de BFM TV, de RTL. Ouais, très bien, faut pas trop les dépayser. C'est là. Bon, bah c'est parti. Franchement, je préférerais encore réconcilier Trump et la Corée du Nord. Courage. Ça va bien se passer, ça va bien se passer. Éléonore, calme-toi. Respiration ventrale. Voilà. Enguerrand, donne-moi tes mains. May the force be with us, petit padawan. Quoi? Enguerrand, quoi qu'il arrive, on fait bloc, ok? On est une team, ok? On reste unis, unis, quoi qu'il arrive. Parce que notre unité, c'est notre bien le plus précieux. Alors, je dis, ne vous laissez pas abuser par la dictature des sondages et par celle des médias qui voudraient choisir à votre place. Le 20 novembre, choisissez le candidat qui correspond le mieux à vos aspirations. Choisissez la détermination sereine. Choisissez la rigueur, choisissez l'honnêteté. Épisode 1, les primaires. La revanche du collaborateur. Tenez, bonjour, prenez une chaise et rejoignez-nous dans le cercle. Voilà, ici, entre Evelyne et Marie-Dominique, ce sera parfait. Ah, c'est les alcooliques anonymes, c'est ça? Bonjour, je m'appelle Laurent, je suis député des Républicains. J'aime bien votre humour. Ton humour. Ici, tout le monde se tutoie, c'est la règle. L'humour, ça permet de libérer la parole et c'est une manière comme une autre d'entrer dans le groupe. Alors, on ne va pas te demander tout de suite de te présenter, Laurent. On verra ça après la pause, histoire de ne pas casser la dynamique de groupe. Tout le monde me connaît. Je bosse même avec Afida à l'Assemblée. Ça va, ma belle? Et ton mari, d'ailleurs, il va bien? On ne voit plus trop aux réunions de groupe. Comme un charme. Tant mieux, tant mieux. Bon, Laurent, pour commencer, est-ce que tu veux bien regarder le paperboard, s'il te plaît? Enguerrand, tu peux me remettre la première feuille de tout à l'heure, la première de l'après-midi? Merci. Oui. Merci, Enguerrand. Bien, ça, Laurent, ce sont les trois mots-clés qui vont présider à nos après-midi de séminaire. C'est l'esprit qui doit nous animer. Est-ce que tu veux bien les lire à haute voix, s'il te plaît ? C'est bon, les gens savent lire, non ? On n'est pas au Front National. Mais tu devrais pas pisser sur le peuple. Quand le vent tourne, tu t'en mets plein les chaussures. Ça va, on peut rigoler un peu, on est entre nous. Evelyne, c'est ça ? Est-ce que tu veux bien lire ces trois mots à haute voix, s'il te plaît, Laurent ? Je sais que je m'appelle Laurent. Tu vas le répéter combien de fois ? Écoute, ouverture, bienveillance. Un peu plus fort, s'il te plaît ? Écoute, ouverture, bienveillance. Bien. Merci. Est-ce que, comme tes camarades l'ont fait tout à l'heure en arrivant... En arrivant à l'heure... Est-ce que tu veux bien nous dire ce que t'évoquent ces trois mots ? Rapport à ? Par rapport à ce séminaire qui commence. Qu'est-ce qu'ils t'évoquent, ces trois mots sur le paperboard ? Ce qui te vient, ne te censure pas. Que t'évoquent ces trois mots par rapport au groupe, par exemple ? Ou par rapport au parti, de manière générale ? Par rapport au parti ? Écoute, ouverture, bienveillance ? Par rapport aux républicains ? Alors... Écoute, ça m'évoque le dictaphone de Patrick Buisson dans le bureau de Sarko. Ouverture, ça m'évoque des erreurs de casting ministériel genre Kouchner, Besson, Jouyet... Et autres Martin Hirsch. On parle de Fadela Marin. Et Jean-Marie Bockel. Qui ? Ah, je les avais oubliés, ceux-là. Là, je pense qu'il est encore dans chaîne de garde, il est retourné à la niche. Non. Moi, j'ai vu sur... Et quoi, bienveillance ? Là, elle est pas retournée. Bienveillance ? Au sein des Républicains ? Bienveillance chez les Républicains. Non, franchement, je vois pas. Ok, merci Laurent, merci beaucoup. On va faire la pause maintenant, en fait. On se retrouve dans un petit quart d'heure. Voilà, pas plus, s'il vous plaît, on a du travail. Profitez du parc, il est magnifique. Laurent, tu peux venir avec moi 2 minutes, s'il te plaît ? Je t'offre un petit café. Je peux en piquer une à quelqu'un ? C'est une menthol, hein, ça va ? Ah, super, merci. T'as dû... J'ai. Merci. Et Marido, elle est restée dans la salle, qu'est-ce qu'elle fait ? Bah, comme d'habitude, elle déprime. Tu la connais ? Ouais, je bosse avec elle, de temps en temps. Elle s'occupe de l'organisation des meetings. Je vais la voir quand on doit faire des retransmissions. Moi, je m'occupe du web. Elle a fait un burn-out au moment de la défaite. Les premiers mois, elle pouvait pas voir Fillon sur un écran sans pleurer. Au début, elle arrivait même plus à prononcer le nom Fillon. Elle disait... Et puis, elle fondait en larmes. Ils l'ont passée en mi-temps thérapeutique. À chaque fois que je la croise dans les couloirs, j'ai envie d'acheter une boîte de Prozac. Déjà qu'au siège, l'ambiance est pas folichonne. Ils l'ont envoyé ici pour la changer d'air, mais je suis pas sûr que ça lui remonte le moral. Avec l'autre qui fout une sale ambiance d'entrée... Putain, c'est sûr qu'il se prend pas pour de la merde, hein. Il disait qu'il bosse avec toi à l'Assemblée, tu fais quoi ? Assistante parlementaire. On se croise juste de temps en temps aux quatre colonnes ou en commission. Hein. C'est qui ton député, un mec sympa ? Bah, je peux pas trop dire qui c'est, mais je l'aime bien, ouais. Mais pourquoi tu peux pas dire il est connu ? Ah, parce que c'est mon mari. Ah, c'est pour ça que tu l'aimes bien, ton député. Mais c'est quoi le problème ? Pourquoi tu peux pas dire son nom ? C'est pour les histoires d'emplois familiaux, c'est ça ? Bah, elle est pas conne quand même. Je suppose que tu bosses avec ton nom de jeune fille pour qu'il t'emmerde pas. Ouais, mais c'est un peu plus subtil comme montage. Donc, officiellement, je suis embauchée comme assistante d'un autre député, dont la femme, qui est assistante aussi, a été engagée par mon mari. Donc en gros, vous faites de l'échangisme parlementaire. C'est ça. Sauf qu'on n'est pas obligé de coucher ensemble. Et c'est pour ça que tu veux pas dire le nom de ton mari. Tu sais, on en voit d'autres dans les bouches du Rhône. Et en plus, si je fais 3 recherches sur Google, je vais te trouver facilement parce que des affidats doivent pas y en avoir 10 000 à l'Assemblée. Hein. Non, mais en fait, le problème, c'est... Vas-y, crache ta valda. Non, le problème, c'est que mon mari va passer chez les constructifs. Oh merde. Bon, alors, tu veux me dire quelque chose ? Bah non, rien. Quoi ? Oh putain, il est dégueulasse ce café. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux me faire dire ? Je ne sais pas, c'est à toi de me parler. Moi, je constate seulement que, à peine arrivé, tu es assez agressif avec le groupe. Déjà, tu arrives en retard. Non, attends, c'est une tannée de sortir de Paris un jeudi après-midi. Et puis, franchement, quelle idée de faire ça dans le trou du cul de l'Île-de-France, ça. Mon GPS trouvait même pas ce putain de manoir. J'ai dû demander 5 fois mon chemin à des bouseux. Et en plus, mon chauffeur est en RTT. Merci les socialistes. Alors, en partant de l'Assemblée, j'ai d'abord dû repasser chercher ma bagnole perso à Neuilly. Bon, Laurent, je sais que tu n'étais pas très enthousiaste à l'idée de participer à ce séminaire, mais ta présence est très importante pour le groupe. Mais c'est des conneries, votre truc. Ça sert à rien. On a perdu. On m'annonce un séminaire sur la défaite de Fillon, je me retrouve au milieu d'un groupe de cassos. Ce sont des militants, des permanents. Ils ont consacré plusieurs années de leur vie au parti, alors ils sont un peu déboussolés par la défaite. Ils ont besoin de parler, de comprendre. Bah on a tous nos problèmes, hein. Et eux, ils sont volontaires pour l'exercice. Moi, j'ai autre chose à foutre. Je devrais être en commission cet après-midi et je vais encore passer tout le week-end en circo à faire du porte-à-porte. Je suis pas au Sénat, moi. J'ai du boulot, merde. Tout le monde prend sur son temps de travail, Laurent. Et c'est une demande de la direction du parti. Dans chaque groupe de parole, ils voulaient un élu. Mais, bah, vous avez l'autre, là. La cagole, là. Evelyne, elle est élue, non? Oui, Evelyne, elle est conseillère régionale. Et c'est très bien. Mais c'est encore mieux d'avoir un élu national. Quelqu'un qui a du poids, comme toi. Du poids. Elle en a aussi, hein. La ménopause, ça fait des ravages. Non, mais j'ai aucune envie de participer à votre machin. Je t'entends, Laurent. Mais je te le répète, c'est une demande de la direction du parti. Donc, maintenant que tu es là, essaie d'en profiter plutôt que de résister. Le groupe peut t'apporter beaucoup à toi aussi, Laurent. Nous ne sommes pas tes ennemis. On est juste là pour essayer de travailler ensemble. Et quatre après-midi, c'est quand même pas le bout du monde. Quatre après-midi, putain. Bon, bois ton café. Moi, il me reste 5 minutes de pause. Je vais en profiter pour faire le point avec Enguerrand. On se retrouve tout de suite dans la salle ? Et je compte sur toi pour mettre une bonne ambiance de travail, ouais, ok ça, ouais. En tout cas, je pense que tu peux apporter beaucoup au groupe. Je suis contente de t'avoir avec nous, Laurent. Très contente. Oh, mais quel connard ! Quel affreux connard ! Je le sentais qu'il nous foutrait la merde, celui-là. Je te l'avais pas dit ? Il va se calmer, c'est juste qu'il était à cran parce qu'il est arrivé en retard. Non, c'est un connard. Une caricature de connard machiste, livré avec tous les accessoires, le costume clinquant, la BM décapotable, 2 ans de salaire au poignet. Tu sais ce que dit le philosophe, hein. Si à 50 ans t'as pas de Rolex. Il fait partie des rares députés LR à avoir survécu à la vague Macron, alors il touche plus terre. Déjà qu'avant c'était pas des enfants de cœur. Alors maintenant que les derniers des Mohicans LR sont coincés entre l'extrême droite FN, l'extrême centre macroniste et les divisions internes du parti. Il va se calmer. J'espère. Bon, et là, on réattaque avec quoi après la pause ? En fin de journée, on a prévu un exercice d'expression corporelle dans le parc pour évacuer la pression. Et là, pour reprendre, je pensais leur faire un récap chronologique de toute la campagne des primaires depuis 2015. Non, trop fastidieux, il faut les faire parler. C'est hyper important qu'ils parlent, pour évacuer. Bah sinon, j'ai aussi fait un montage des meilleurs moments des 3 débats de la primaire d'octobre et novembre 2016. Oh non, c'était tellement chiant, là, ces débats. Ouais, il y a quand même des bons moments. Quand tous les ex-ministres de Sarko lui tombent dessus un par un. Ouais, ça devait être sympa les pots entre candidats après l'émission. Et puis en revisionnant tous les débats, il y a un passage que j'aime beaucoup. C'est à la fin du 3e débat, celui du 17 novembre 2016, juste avant le premier tour de la primaire, quand Fillon commence sa déclaration par « J'ai toujours dit la vérité aux Français ». Il faut quelque chose d'encore plus trash. Faut les mettre dans le bain tout de suite. Faut leur montrer un truc qui réveille le trauma. Alors je crois que j'ai ce qu'il te faut. Les vidéos qui traumatisent les militants LR, c'est pas ce qui manque pendant la campagne Fillon. Ceux qui briguent la confiance des Français doivent en être dignes. Ceux qui ne respectent pas les lois de la République ne devraient pas pouvoir se présenter devant les électeurs. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ? Merci Enguerrand. Tu peux rallumer, s'il te plaît ? Bien. Je sais que ces images sont difficiles, mais on est là pour ça. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque, ce discours ? Allez, courage ! Lancez-vous ! Bon, déjà, dites-moi si vous vous en souvenez de ce discours. Vous vous souvenez de la date ? Évidemment, on s'en souvient. C'est le grand discours de Sablé-sur-Sarthe, à la fin de l'été 2016. C'est ça. 28 août 2016, à 3 mois de la primaire. Mais forcément, on s'en souvient. Ça a été un tournant de la campagne. Moi, honnêtement, sur le coup, j'ai pas vu venir le problème. Je l'ai entendu, cet extrait, évidemment, au JT le soir. Mais je me suis dit, bon, Fillon, il est au fond du gouffre dans les sondages. Il essaye d'exister en attaquant Sarko. Ça a été notre grosse connerie collective. Vas-y, Steve, développe. On s'est planté sur tous les pronostics. On s'est planté sur la personnalité de Fillon. Depuis le début. On croyait que c'était un curé de campagne un peu mou et on s'est retrouvé avec un pitbull. Personne n'aurait misé sur Fillon. Je me souviens en 2015, quand on a voté les statuts de la primaire, Fillon, il était à 6% d'intention de vote. 6%. Oui, mais 55% de bonne opinion. Et cette primaire, c'était une machine à baffes. La preuve, on s'est retrouvé avec le pire candidat. S'il n'y avait pas eu le canard... C'est le canard qui est responsable, hein. Bien sûr que c'est le canard. Attendez, pas trop vite. Le canard, on le laisse au four pour l'instant. Enguerrand, tu peux noter les premières remarques sur le paperboard, s'il te plaît ? Bon. Si je vous écoute bien, avril 2015, publication des statuts de la primaire. Juppé et Sarko sont favoris, et Fillon n'a à peu près aucune chance. 6%, le charisme d'une huître. Et donc, les favoris, c'est Juppé et Sarkozy. Juppé, on sait maintenant qu'il ira au deuxième tour de la primaire, mais Sarkozy, pour commencer. D'après vous, pourquoi Fillon l'a battu? Ça fait mal de le dire, mais les Français ne voulaient plus de Nicolas Sarkozy. Non, c'est surtout les socialos et autres mélanchonistes qui l'ont éliminé. Ils ont été plus de 300 000 à venir voter à notre primaire pour Fillon ou pour Juppé, histoire d'être certains d'éjecter Sarko. Donc 300 000 au moins. Remarque, à 2 euros le vote, ça fait toujours une bonne rentrée de pognon pour le parti. Hein. Mais tous ces types qui se disent de gauche et qui ont signé la charte de droite juste pour pouvoir éliminer celui qui aurait dû gagner, ça me dégoûte. Alors le texte exact de la charte, je l'ai noté quelque part. Le texte exact, c'était « Je partage les valeurs républicaines de la droite et du centre et je m'engage pour l'alternance afin de réussir le redressement de la France. » Oui, c'est intéressant ça. La charte, c'est pas les valeurs de droite, c'est les valeurs républicaines de la droite et du centre. Même les mélanchonistes pouvaient se reconnaître dans l'idée de valeurs républicaines, non? Et surtout dans l'idée d'alternance. Parce qu'après le quinquennat Hollande, eux, ils avaient envie d'un président de gauche. Ils nous ont volé l'élection. Ils n'ont pas d'éthique, ces gens-là. Mais attends, Evelyne, c'était évident qu'il n'y aurait pas que les militants LR qui allaient voter à cette primaire. En 2017, les types du PS, ils étaient sûrs que leur candidat allait se faire laminer par notre candidat. Ouais, tout le monde était certain, et nous les premiers, que celui qui gagnerait la primaire de droite, il serait président de la République. C'est pas vrai? Absolument. Bon, les gauchos, ils savaient qu'ils allaient perdre. Ils avaient juste envie de choisir leur marque de vaseline. La vérité, c'est qu'à gauche, ils pensaient éliminer Nicolas Sarkozy au premier tour de la primaire et nous laisser nous débrouiller entre nous pour le deuxième tour. Encore une fois, c'était tout sauf Sarko. Et pour les électeurs de gauche, Juppé, ben, ça restait une vaseline acceptable, pour reprendre la métaphore de Laurent. Je note quoi là? Je note Juppé égale vaseline. Donc, d'après vous, Nicolas Sarkozy s'est fait éliminer par les électeurs de gauche? Une partie des militants LR n'en voulait plus. Mais oui, c'est les voix de gauche qui ont fait la différence. Ok, donc je résume. Sarkozy éliminé, en partie par la gauche, reste Juppé, dont on ne sait pas encore qu'il va s'effondrer. Et donc, il nous faut un troisième homme. Pourquoi François Fillon? Puisqu'il était à 6%. Il y a cru. Depuis le début, il n'a rien lâché. Il a sorti son bouquin programme dès 2015. Et il avait annoncé sa candidature en 2013. Je me rappelle, il était au Japon. Nicolas Sarkozy était furieux. Ça a été un best-seller, le bouquin de Fillon. Plus de 100 000 exemplaires. Comment il s'appelait déjà? Fer. Bon, tu parles d'un titre. Tout le monde se foutait de nous sur les marchés. C'est vrai que sur le plan psychanalytique, Fer, ça évoque un peu le stade anal. Non, bah tu notes pas, non? Bon, et donc, comment il a fait pour gagner, Fillon? Il a bossé, c'est tout. Il a labouré toutes les circonscriptions pendant 2 ans. Ça, excuse-moi, Afida, mais c'est l'analyse a posteriori. Je suis d'accord avec Laurent. En 2015, personne n'aurait misé sur François Fillon. Au mieux, il visait une troisième place. Voire quatrième. Le troisième homme serait dû être le maire, sauf que Bruno a complètement foiré sa campagne. Ah, nouveau protagoniste. Note, Enguerrand, Bruno Le Maire. Ouais. Y a quoi à en dire? Bah, comme NKM, pas grand-chose. Bah, c'est d'ailleurs comme on dit pour les soutiens de NKM. Les Kosciusko-siens, les Morizettistes. Les losers. On dit les losers. Et Bruno Le Maire, pourquoi tu dis qu'il a foiré sa campagne, Evelyne? Ben, le renouveau, c'est Bruno. Mais plus nul, tu meurs. Mais il y en a qui se sont fait élire avec des slogans encore plus pourris. Hein. Non, mais Bruno, il avait un problème de fond. Il s'est positionné sur la rupture, sur le rajeunissement de la classe politique. D'abord, il n'est plus si jeune. Et il n'a pas compris que la base de notre électorat, c'est des notaires et des dentistes de province. Bah, décidément, ça veut dire que t'aimais pas le peuple, t'aimes pas non plus les notables, alors qu'est-ce qui reste? Bah, si, Laurent a raison. Sur la sociologie du vote, il a raison. C'est comme ça que Fillon a gagné, avec les vieux et la bourgeoisie catho de province. Le maire, il a tenté de se positionner sur le même créneau que Macron, mais il s'est trompé d'élection. Il n'a pas osé frapper assez fort, et il est parti trop tard. Il a quand même tenté une petite percée dans son discours à 7 en septembre 2016. J'étais allé l'écouter. Par curiosité, c'était pas mal, hein, mais il est classe quand même, il présente bien, et puis il a de beaux yeux. Mais c'était trop tard pour le maire. Et bilan, le troisième homme, il finit à 2% au premier tour de la primaire, en 5e position. Derrière NKM. Ah ouais, quand même. Le maire, c'était une erreur de casting. Il était trop techno pour le parti. Et la preuve, il s'est mis en marche. Ouais, à la soupe, comme les autres enfoirés de constructifs, après l'élection de Macron. Moi, je dis, c'était une connerie, ces primaires. On n'est pas prêt de recommencer. Il fallait investir Sarkozy sans élection. C'est lui le patron. C'est pour ça que je lui en veux à Fillon, d'avoir attaqué Nicolas sur les affaires. Qui plus est en citant le général. Ça a toujours été Sarko, le vrai patron du parti. Et pas que du parti. Il paraît que Macron le consulte encore régulièrement. Il consulte tout le monde, celui-là. C'est Sarko, le meilleur d'entre nous, pas Juppé. C'est là-dessus qu'on s'est tous plantés. Sur l'élimination de Juppé. On croyait qu'on était au bout de nos surprises. On sait qu'il faut toujours une grosse surprise pendant une campagne. Et avec l'élimination de Juppé, on croyait qu'on l'avait eu. Oui, à ce moment-là, on s'est tous dit, Fillon qui gagne la primaire en éliminant Juppé, qui était le grand favori, eh ben voilà, on l'a eu, notre grosse surprise. Mais Juppé, lui aussi, je lui en veux. C'est lui qui a tué la droite. Il a servi de marchepied au petit Macron. C'est sûr que maintenant, Juppé, il peut finir sa carrière tranquille à Bordeaux. Ses idées sont arrivées à l'Élysée. Je vous rappelle quand même qu'Emmanuel Macron, il se revendique et de droite et de gauche. Ou ni de droite, ni de gauche. Enfin, franchement, c'est surtout ni de gauche, ni de gauche. Il fait passer des trucs qu'on n'aurait jamais osé proposer. Il est droit dans ses bottes, hein, comme l'autre. Hein. Non, je suis d'accord avec Evelyne et Laurent. Entre Macron et Juppé, il y a une feuille de papier à cigarette. Moi, je l'ai jamais aimé, Juppé. Et les militantes de base, je peux vous le dire, leur préféré, c'est toujours Sarko, hein, même après son élimination. Alors, puisque vous parlez beaucoup là, de Nicolas Sarkozy, si vous voulez, moi j'ai une petite vidéo très sympa, c'est une interview de sa femme. Enfin, t'es sûre que là, je suis pas sûre. Oh si, si, non, mais Carla, ça détend toujours l'atmosphère, sauf si elle chante dans ta vidéo. Non, non. Alors c'est très court, vous allez voir, c'est une interview qu'elle a donnée au moment de la sortie de son dernier album. Mon mari était de loin le meilleur homme politique que la France ait jamais eu. Donc, et ça, c'est objectif, ce que vous dites. Ah, ça, c'est totalement objectif. Oui. En tout cas, quand il est sur scène et qu'il parle, c'est impressionnant. Très impressionnant. Et même les gens qui ne pensent pas, qui ne sont pas d'accord avec lui, sont en quelque sorte... C'est un véritable tribun, comme on dit. C'est-à-dire, il a un talent immense pour ça. Moi, je crois, dans une autre époque, il aurait fait prophète. Prophète, je ne suis pas sûre. Même si Nicolas Sarkozy avait gagné la primaire, il aurait perdu au présidentiel. Surtout contre Macron. Peut-être encore plus violemment que Fillon. Mais même Juppé, contre Macron, il aurait perdu. Ça, c'est moins sûr. On ne saura jamais. En tout cas, 2017, ça a été la pire année que j'ai connue en 40 ans de militantisme. 2017, anus horribilis. Comme dirait Copé. Pourquoi Copé? Parce que son père est proctologue. Ça ne s'invente pas. Donc, anus horribilis, comme dirait Copé. Je ne suis pas certaine de beaucoup apprécier ce type de... Anus avec deux N. Au premier tour de la primaire, Jean-François Copé, il est arrivé bon dernier avec 12 750 voix. C'est 5 fois moins que Jean-Frédéric Poisson. Le père de Copé est proctologue. Mais c'est génial. Son père est trop de balologue. Oui, bon, c'est amusant, deux minutes, mais bon, ça va. Attends, attends. Copé est maire de Meaux. Et tu sais comment on appelle les habitants de Meaux? Les Meldois. Les Meldois. C'est drôle. Dis donc, il se lâche. Ça les a bien détendus de parler de Copé. Bah lui, au moins, il fait l'unanimité. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait, la dépressive, là? Qui? Marie-Dominique. J'arrive pas à comprendre ce qu'elle fait comme animal. Ces petits cris, c'est quoi? C'est une souris ou une... Un hamster, je crois. C'est complètement con, cet exercice. C'est quoi l'idée, déjà? Bah l'idée, c'est que, puisqu'on parle des primaires, ils retrouvent leur animalité primaire. Ouais, c'est ce que je dis, complètement con. Bah, c'était ton idée, je te rappelle, au départ. Et puis ça avait très bien marché pour le séminaire Europe Écologie Les Verts. Ah ouais, c'est vrai. Avec l'autre dingue, hyper agressif, tu te souviens? Qui faisait la loutre en chaleur. Et le gros dégueulasse, le tripoteur. Celui qui s'était pris en photo avec du rouge à lèvres pour la journée de la femme. Ouais, pendant l'exercice, il battait des bras pour faire l'aigle, et il en profitait pour me mettre des mains au cul. Le jipaète barbu. Qui? Le jipaète barbu. Il faisait le jipaète barbu. C'est un rapace. En voie d'extinction. On le trouve encore dans le Vercors. Merde. Tiens, et Laurent, en fait, il est où? Quand je lui ai dit qu'on allait finir la journée par un exercice sur l'animalité, il a pris sa bagnole et il s'est barré. Oh putain. J'ai juste eu le temps de lui demander de réfléchir pour la semaine prochaine aux causes de la défaite de Fillon. Super, t'as bien fait de le préparer. Ouais, sauf qu'il m'a répondu, la défaite de Fillon, c'est uniquement la faute du canard enchaîné. Et il s'est barré. Ils focalisent tous sur les affaires, c'est normal. Ils sont encore traumatisés. Marido et Evelyne, elles sont encore complètement dans le déni. Mais chez Laurent, c'est pas du déni, c'est de la mauvaise foi. Il sait très bien que même sans les affaires, Fillon, c'était pas le bon cheval. Il aurait pu dire au revoir quand même. Je sens qu'il va nous emmerder jusqu'au bout, celui-là. J'aurais jamais dû accepter d'animer ce séminaire. Mais t'inquiète, ça s'est très bien passé cet après-midi. Ça fait 10 ans que tu fais ce job et t'es la meilleure de l'agence. T'as même réussi à animer le séminaire du PS. Ah oui, ça je m'en souviens. C'est à cause d'eux que j'ai pris la clope. J'ai même fait un zona. Fillon, lui, c'était le dos. Quoi? Fillon. Il somatisait le stress par des lombalgies, il paraît. On dit qu'il avait des douleurs atroces pendant toute la campagne, mais qu'il a jamais rien laissé paraître. Rien laissé paraître. Quel mystère, ce type. Un sphinx. Le sphinx de la Sarthe. Un sphinx qui en avait littéralement plein le dos.

Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ? Phrase prononcée par François Fillon à Sablé-sur-Sarthe le 28 août. Alors, suivez son regard, tout le monde pense à Sarkozy, évidemment, et Fillon aussi. C'est la revanche du collaborateur, et on rappelle hein, le mot collaborateur. Oui. Bah, bien sûr, et c'est la phrase terrible, la phrase boomerang. Et en fait, cette phrase, elle a été imaginée par lui-même. Ses conseillers lui avaient déconseillé de parler de Nicolas Sarkozy, qui était déjà assez dans le pétrin. Mais en cette rentrée politique 2016, François Fillon avait un gros problème. Il fallait absolument qu'il soit troisième. Il était quatrième. Il pensait pas du tout gagner. Il fallait absolument qu'il soit troisième. Mais parce que dans une primaire, le troisième compte beaucoup plus que le faiseur de roi. Bah oui, c'est le faiseur de roi. Eh oui. Et donc, il pouvait imaginer non pas être le premier ministre du gagnant, c'est-à-dire de Alain Juppé. Tout le monde pensait ça à l'époque, puisqu'il a déjà été premier ministre. Mais il se disait, je pourrais être peut-être président de l'Assemblée. C'était ce qui se murmurait dans son équipe. Et donc, pour être troisième, il fallait donc passer devant Bruno Le Maire, qui à l'époque était plutôt en troisième position. Et ben il fallait un peu marquer les esprits parce que tous les mois qui avaient précédé, François Fillon avait été très sérieux, un petit peu boring comme on dit en anglais, un petit peu embêtant, un peu rond de cuir. Oui, voilà, il avait été sérieux, il avait un vrai programme, un programme sérieux, chiffré, honnête, et il n'avait pas fait d'éclat. Et du coup, on s'embêtait un peu avec lui. Alors, est-ce qu'il n'a pas fait non plus quand même une pierre deux coups? C'est-à-dire, il a poursuivi cette stratégie que vous venez d'expliquer, mais en même temps, je dis la revanche du collaborateur. On rappelle que quand Nicolas Sarkozy a été élu président de la République, alors très très vite, on lui a dit, votre Premier ministre, il a dit, c'est un collaborateur. Bah, pas plus, oui. Rien de plus. Ça doit quand même rester oui, en travers la gorge. On a su après qu'il avait très mal vécu finalement les deux dernières années à Matignon, parce qu'il ne voyait quasiment plus Nicolas Sarkozy. Enfin, il le croisait évidemment au Conseil des ministres ou dans les moments publics où il fallait qu'il le croise, mais il n'y avait plus de coup de fil entre eux, plus de confiance. Et donc, il voulait... il avait été éclipsé pendant 5 ans, et puis surtout, il n'était pas tout à fait d'accord avec tout ce qui s'était fait, surtout les deux dernières années. Et il avait des idées et il pensait que c'était son tour. Et là, le collaborateur, effectivement, se venge. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais dans cette élection, tout le monde, à gauche comme à droite, et même à l'extrême droite, se réclame du général de Gaulle. Ouais. Et lui, il se veut être le successeur officiel du général de Gaulle. Et il prend, évidemment, le général de Gaulle en exemple. Qui peut imaginer le général de Gaulle mis en examen? C'est un peu le CAF se rebiffe. Il n'y a pas Maurice Birot, mais c'est un peu ça. Alors, ensuite, François Fillon, il surprend tout son monde, si mes souvenirs sont bons, avec les débats télévisés. Oui, il est bon. Oui, les premiers débats télévisés, il est assez bon parce que... Alors on dit un débat télévisé dans la primaire de la droite et du centre, plusieurs, effectivement. Voilà. Et il est bon parce qu'il est terne et donc il est sérieux. Et les débats pour la primaire ne s'adressent qu'aux gens qui s'intéressent vraiment à la politique. Et donc le côté un peu sérieux, honnête, pas ramenard, plaît à l'électorat de droite. Parce que ce qui est intéressant à ce moment-là, c'est que dans cette primaire, tout le monde sait que celui qui va gagner va être président de la République. On le croit. Oui, c'est finalement la vraie élection présidentielle, c'est la primaire de la droite. L'alternance gauche-droite, voilà, c'était pour la droite. Du coup, les électeurs de droite, enfin ceux qui ont voté, c'est-à-dire les retraités, en gros, la bourgeoisie de droite de villes de province, c'est ça le noyau dur de la droite qui a voté. 4 millions de personnes, c'est quand même du monde, mais c'est pas tout le peuple, ce qu'on pourrait appeler le peuple de droite. Eh bien, ils ont choisi celui qu'ils préféraient. Ils n'ont pas choisi celui qui avait le plus de chances de gagner, ce qui aurait été Alain Juppé, c'est-à-dire celui qui aurait pu rassembler même au-delà de la droite, comme avait fait la gauche en 2011 en choisissant François Hollande, parce que là, il y avait un doute. Mais là, il n'y a pas de doute. La droite va gagner. Donc, ils ont choisi sans complexe celui qu'ils préféraient. Et celui qu'ils préféraient, c'était celui qui était au point central de la droite, et donc François Fillon. Et il était bon pendant les débats. Il était sérieux, carré. Et au-delà du style, il y avait un discours. Il disait, il est allé jusqu'à critiquer ce que n'avait pas fait Nicolas Sarkozy, alors que lui était Premier ministre. Donc ça paraissait quand même assez honnête. Et il disait aux autres, oui, vous avez des demi-mesures. Eh bien non, moi je vais appliquer un programme de droite, qui va combattre les déficits. Et il était quand même presque brutal dans le fond. Oui, c'était du sang et des larmes. Voilà. C'était du sang et des larmes. Alors, du sang et des larmes. Et ça plaît à l'électorat de droite. Et il avait compris, un peu comme finalement Emmanuel Macron, que la France était peut-être prête aux réformes. Et donc, il n'avait pas hésité à proposer ce que la droite voulait vraiment. C'était quand même une élection primaire pour les électeurs de droite, il ne faut pas l'oublier. Et du coup, ça a marché. Très sincèrement, Thomas Legrand, vous, éditorialiste politique, et puis les autres, cette communauté d'éditorialistes politiques, vous avez le droit de vous tromper, évidemment, parce que le journalisme, c'est pas des pronostics, hein, on lit pas dans la boule de cristal. Mais est-ce que vous avez pensé un seul moment que François Fillon, avant les débats, pouvait gagner la primaire? Non, et lui-même non plus. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il espérait être troisième. Personne ne le pensait parce que, en fait, c'est comme quand on analyse une guerre, on analyse toujours à l'aune de la guerre d'avant et on se trompe toujours d'une guerre. En fait, on pensait que la primaire allait sélectionner un candidat, comme la primaire de gauche avait sélectionné le meilleur candidat parce qu'il y avait un doute en 2012. Là, comme il n'y avait pas de doute, la primaire n'avait pas la même fonction qu'en 2011. On se trompait. Elle n'a pas sélectionné un candidat, elle a vraiment élu le candidat qui plaisait le plus à la droite. Si en 2011, la gauche avait été sûre de remporter la primaire, on peut imaginer que Martine Aubry l'ait gagnée parce qu'elle était préférée finalement des gens de gauche. Mais les gens de gauche ont choisi celui qui avait le plus de chances de gagner parce qu'il y avait un doute. Là, il n'y avait pas de doute. Et ben, cette analyse, on peut la faire qu'à posteriori. On est très forts, les journalistes, pour faire de la post-rationalisation, vous savez. Et heureusement, on ne peut pas prévoir l'avenir parce que si on pouvait prévoir l'avenir dans une démocratie, ça voudrait dire que les bulletins de vote ne nous appartiennent pas à nous tous. Absolument. Les citoyens. C'est une addition et c'est ça la démocratie. Et puis l'analyste politique, il doit analyser ce qu'il a sous ses yeux à un moment donné. Voilà. Moi, je dis toujours qu'on peut être le président du CEVIPOF, de Sciences Po ou un journaliste politique comme moi qui passe sa vie à regarder la politique. Quand on fait une prédiction, on a autant de chances de dire la vérité ou de se tromper que le gars qui, avant d'aller au boulot, regarde son journal régional et dit en regardant un candidat, celui-là, il va se planter. En prenant son café, en faisant autre chose. Et c'est ça, la politique, ça ne peut pas être prédictif. C'est sa part d'incertitude qui fait aussi... C'est la démocratie. Voilà, son côté passionnant. Thomas Legrand, on va souffler 3 minutes et puis on continuera notre voyage dans ce passé récent, l'aventure François Fillon. Je rappelle, aujourd'hui, on va du mois d'août au mois de novembre. C'est le moment où tout va bien pour François Fillon et ça ne va pas durer. I'm gonna build a world too far away from me. Pull me in and show you just what I can do with a lover who tries to bend with me to what's chasing you. Ooh, what's chasing you? se rafraîchit la mémoire avec cette série de fiction intitulée La Veste. Là, nous parlons du parcours de François Fillon du mois d'août 2016 au mois de novembre 2016. Donc, bah, tout va bien à ce moment-là. Le 17 novembre 2016, nous en sommes au troisième débat avant le premier tour et François Fillon déclare « J'ai toujours dit la vérité aux Français ». Alors évidemment, avec ce qu'on sait après, ça paraît étrange. Cela dit, ils disent tout ça, les hommes politiques. C'est du cynisme, oui, de la prétention, vrai, c'était quoi? Ben, c'était, je pense qu'il parlait de politique, là. Il parlait. D'abord, François Fillon se présente comme l'homme sérieux après Nicolas Sarkozy, qui selon lui, et ça il peut le dire en off, comme ça, aux journalistes, selon lui, c'est un peu que de la gueule, quoi. C'est je parle beaucoup, j'annonce. N'oubliez pas que Nicolas Sarkozy a quand même annoncé neuf lois sur la sécurité pendant son quinquennat. C'est-à-dire qu'il y avait toujours une nouvelle loi avant qu'on ait fini d'appliquer la première. Oui, c'est bien, voilà. C'est les effets d'annonce. Et François Fillon, il aime pas ça, les effets d'annonce. Il est de l'école quand même, de l'école de Philippe Séguin. Même s'il a plus tout à fait la même idéologie, la même pensée, mais cette école où un peu sérieuse quand même. Un peu terne, où il admire, il aime bien Michel Rocard par exemple, même s'il pense pas tout à fait comme lui. Ces gens qui font ce qu'ils disent. Donc lui, quand il parle de vérité, eh bien, ça correspond à son programme du sang et des larmes dont on parlait tout à l'heure. Évidemment, c'est encore une phrase boomerang. Eh ben oui, forcément. Alors, le premier tour de la primaire arrive. Donc, François Fillon est en tête avec 44% des voix devant Juppé 28 et Nicolas Sarkozy 20. Alors, on a dit que Juppé, probablement Fillon, avait appelé tous les Français à venir voter et surtout les socialistes pour éliminer Sarkozy. Est-ce que c'est vrai, ça? C'est-à-dire que il y a eu dans l'organisation même de la primaire, il y a eu un jeu très important. Il y avait du côté de Nicolas Sarkozy, on voulait organiser la primaire de façon à ce qu'elle soit la plus réduite possible pour que ça soit vraiment le noyau du noyau dur, la petite amande qui est dans le noyau, vous savez, le moins de gens possible qui votent, les militants au sens large simplement, parce que là, il était sûr d'être élu. Chez Alain Juppé, on se disait, il faut faire comprendre aux Français que cette élection va désigner le président de la République, et donc il faut l'ouvrir totalement, et puis pouvoir dire à tous les Français, même de gauche, bah, participer, parce que, alors, sans l'avouer exactement comme ça, parce qu'il faut quand même signer un petit texte, participer, parce que finalement, ça sera la vraie élection présidentielle. Et il y a beaucoup de gens de gauche qui ont été votés à la primaire en se disant, puisque au deuxième tour, j'aurai le choix entre Marine Le Pen et un candidat de droite, hein, c'était ce que tout le monde pensait, autant me faire choisir quel candidat de droite. Hein, j'ai déjà donné en 2002, merci, maintenant je vais choisir donc Alain Juppé. A eu beaucoup de voix de gauche, mais finalement, c'est ni Juppé ni Sarkozy, mais c'est au dernier moment, et pendant les trois dernières semaines, c'est monté très vite, c'est François Fillon. Ce sont les débats, on est bien d'accord. Ce sont les débats, et c'est finalement le cœur de l'électorat de droite. Mmh. Et une partie aussi des centristes ont préféré Fillon sur le côté sérieux. On oublie maintenant, parce qu'il y a eu tellement de mensonges, tellement d'hypocrisie par la suite avec ce que vous évoquerez plus tard, c'est-à-dire l'affaire Pénélope, qu'on oublie que Fillon, c'était l'homme probe. Et ça plaisait même à des gens de gauche qui se disaient « Il va falloir que je choisisse entre la droite et l'extrême droite, donc pourquoi pas Fillon ?» De l'homme probe à l'opprobe. Alors après le premier tour, en toute logique, il y a un second tour et il y aura un second débat à deux cette fois. On va en parler tout à l'heure, Thomas Legrand, dans 3 minutes. Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu. Car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi avec un soupçon de réserve. Toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure,

enfin une ville très populaire du Nord. Mmh. Et il m'a dit juste après la primaire, il était très inquiet parce que Fillon avait gagné. Et Fillon, c'était pour lui la bourgeoisie qui avait gagné. Il m'a dit, moi, à Tourcoing, dans les bureaux de vote, il n'y avait personne. Alors que dans les bureaux de vote à côté de la ville d'à côté de Marc-en-Barœul, qui est un peu la ville chic, la ville bourgeoise du Nord, eh bien, les bureaux de vote étaient pleins. Donc, c'est pas un candidat populaire. Voilà ce qu'il disait. Et il était inquiet. Et ce que promettait Fillon, du sang et des larmes, notamment sur la sécurité sociale, le modèle social, ça allait être une purge. Et il y a pas mal de gens à droite, la droite dite populaire, qui s'inquiétaient. Et ça a préfiguré, c'est vrai, la recomposition. Mais ce qui a fait la vraie recomposition, finalement, c'est l'émergence d'Emmanuel Macron. Et donc, qui a pris le centre droit et le centre gauche, c'est ça beaucoup plus que ce qui s'est passé à droite qui a évidemment créé la recomposition dont on voit les résultats aujourd'hui. Un mot sur la gauche. Pendant ce temps-là, où on est la gauche, les primaires de la gauche sont plus tard. Hein. Oui. Ils en sont où? Personne. Mais non, mais on ne sait pas. À ce moment-là, on ne sait pas puisqu'on ne sait pas si François Hollande va se présenter. Or. François Hollande doit-il se présenter? Et s'il se présente, est-ce qu'il peut passer par des primaires? Il avait laissé entendre que oui, ce qui paraissait une folie. On n'imagine pas un président sortant, donc président de tous les Français, se présenter d'abord à une élection de parti ou partisane. Ça paraissait incongru. Donc il fallait attendre que le président annonce qu'il se présente ou pas, pour voir si on organiserait les primaires. Les primaires devaient avoir lieu en décembre. De toute façon, c'était dans la tête de tout le monde, ces primaires-là pour la gauche, c'était les primaires pour désigner le prochain chef du PS. Ouais. C'est même pas le cas, vous voyez, on le sait aujourd'hui, ces primaires ont désigné le grand loser de la présidentielle et qui a quitté le PS après. Vous vous rendez compte que cette histoire dont on parle, elle a même pas un an? Elle a même pas un an, hein, mais... Elle paraît déjà lointaine. Si vous vous projetez un an et demi en arrière... Tout était fait, même si on se disait qu'il y aurait des surprises, parce qu'il y a toujours des surprises. On se disait qu'il y aurait des surprises, mais en gros, on pensait, rien que pour les primaires, on pensait que Sarkozy et Juppé allaient s'affronter au second tour de la primaire et qu'à gauche, Valls et Montebourg allaient s'affronter. On se trompait même sur les questions. On se trompait pas sur les réponses, on se trompait même sur les questions qu'on se posait. Eh bien, dernière chose, Thomas Legrand. Alors on dit, mais c'est apparemment là, c'est une vue d'esprit, qu'en politique, on n'est jamais mort. Bon. Est-ce qu'on peut imaginer un seul instant que François Fillon soit encore en vie? Politique, bien sûr. Cette phrase en politique, on n'est jamais mort, est impensif. Il y a beaucoup de cadavres, hein. Beaucoup de cadavres de la politique. Oui. François Léotard, enfin, je peux en citer des tonnes. On meurt en politique. Là, François Fillon, je pense qu'il est mort, surtout maintenant, dans cette période de zapping politique. Il est mort et décédé. Qu'est-ce qu'il fait maintenant? Eh ben maintenant, on a des nouvelles. Oui, vous savez. Il s'occupe de la Fédération internationale de l'automobile. C'est sa passion l'automobile. Ouais. Voilà. Ouais. C'est pas très dans l'air du temps, hein. Mais bon, en tout cas, c'est ce qu'il fait. Il doit être très heureux là-dedans. Et on sait comment il a vécu les premiers mois après sa chute. Mal. Il a très mal vécu. On le sait parce que. On imagine bien qu'au-delà de la déception et du choc politique, surtout quand vous y êtes cru, il y a aussi un aspect privé qu'on ne peut pas mesurer, qu'on ne connaît pas, mais voilà, c'est quelque chose qui dans sa famille même l'a atteint, donc on ne peut pas le mesurer. Ça nous intéresse pas d'ailleurs, il faut pas qu'on aille voir. Oui, ça nous regarde pas. Ça nous regarde pas. Donc voilà, il va sûrement pas très bien de ce côté-là. Publiquement, c'est fini, quoi. Publiquement, c'est fini. Professionnellement, il n'est pas à la rue. Vous ne vous inquiétez pas. Merci Thomas Legrand. À bientôt. À bientôt. Au revoir. C'était Affaires sensibles, la fiction, aujourd'hui la veste, épisode 1, les primaires, la revanche du collaborateur, une fiction écrite par François Perrache, réalisée par Cédric Ossir et Ami Oro, émission proposée par Christophe Barrère, assistée de Valérie Priolet, programmation musicale Muriel Pérez, à la technique aujourd'hui Antoine Teboul, Éric Morin.